La chaussette est en place. La chaussette est en place, je répète. Et elle est échangée. Hein. Enfin, ah. Elle change de temps en temps quand même. De temps en temps. On utilise deux modèles surtout. Ouais, parce que pour parfois, changer l'autre. De temps en temps, quand tu te manques une chaussette, tu le récupères sur le micro. Ça, c'est ma chaussette du jour. Ah, ben voilà, ça te donne une petite odeur. T'as inventé le, c'est l'odorat sur, sur les enregistrements. Bon, on va attendre notre clapper. 3, 2, 1. On était bon, punaise. Oh là, j'ai trouvé qu'on était extraordinaire. Vous deux, moi non. Ah, pas d'accord, alors qu'est-ce que tu as fait on était... Parce qu'on avait la bonne position avec David. C'est toi, tu ne l'as pas, donc tu ne peux pas y arriver. Ah. La position de la grue. Ok, 3, 2, 1. Non, vous ne rêvez pas, votre appli de podcast préférée vous annonçant un nouvel épisode de Jogging Bonito n'est pas un mirage provoqué par la torpeur de l'été. Alors que vous avez peut-être délaissé vos baskets préférées au profit de grasse mat ou d'apéro au bord de la piscine, ça bosse dur chez Jogging Bonito. Ou pas, en fait. Hein. En vrai, on avait envie de se retrouver et vous retrouver autour d'un épisode qui sent bon l'été. On y va, à la cool, pas de chronique préparée en avance, mais des sujets de discussion qui ont été choisis en douce et en binôme, sans en informer l'intéressé, qui va le découvrir en live. Ooh. Oh my god. Alors sortez l'apéro, n'oubliez pas les glaçons, ce soir c'est à la bonne franquette chez Jogging Bonito. Salut. Coucou. Hello. Bonjour. Hello, hello. Bonjour, bonsoir. Comment ça va en cet été 2019, caniculaire, paraît-il? Eh bien, ma foi, il fait tout à fait... Non, c'est... effectivement, il fait chaud, je confirme. Je confirme qu'on a chaud. Hein, très, très chaud. Ça nous fatigue, d'ailleurs. Hein. Ah, c'est pesant, tout ça. Et David, même dans le nord, il fait chaud, là. Là-haut, là-haut. Bof, j'allais dire bof, mais d'ici 4 ou 5 jours, je quitte le pays. What? Je quitte le pays. Tu es carrément, quoi. Ouais. Oh, le mec. Tu vas en Belgique? Je vais en Belgique. ouais. Tu vas à 20 km? Je vais à 20 km, effectivement. 20 km. Une fois que j'aurai fait la moitié de 20 km, j'aurai fait 10 km. Oh, est-ce non. que j'arriverai? Ok, bon, ok, d'accord. Est-ce que la flèche va arriver à... C'est très private joke, tout ça, mais... Hein, moi, je pars bientôt pour l'Italie. Et, ah, chouette. Et je pense que ça va être cool. Un peu chaud aussi, à mon avis. Ce qui permettra de râler trop chaud, je suis trop chaud. Ah, c'est cool. Voilà. Et toi, Emir, des petits plans pour cet été ou pas? Bah écoute, moi, mardi, je n'ai pas particulièrement de plans de prévu. Hein. J'aurai une course cet été. Ah! Une course qui tient en trois lettres, que j'ai annoncé aujourd'hui, enfin que j'ai pas annoncé, j'ai fait une devinette sur Facebook pas plus tard qu'aujourd'hui. Hein. Oh punaise, alors tu vas donner la solution d'un Jogging Bonito, mais ce sera pas un exclu puisque avant qu'on ait... c'est moi, je peux essayer de deviner ou pas? Bah bien sûr. En trois lettres, Emilia. Attends, est-ce que je vous donne les mêmes indices? Je vous donne les mêmes indices que ce que j'ai mis vas-y, sur vas-y. Facebook vas-y, ou voit. Pas? Parce que vous ayez le même niveau ouais, d'information. Mais moi je vais perdre encore, moi okay. Je connais rien aux courses françaises, je me fais arnaque. Ben alors attendez, faut quand même que je retourne dessus, parce que j'ai pris soin d'écrire. Alors, voici David les est indices. Prêt, là, je le sens. Je suis chaud, ouais. Très chaud. Premier indice, ça tient en trois lettres. Premier indice, hein. Donc, ok, ouais, vas-y. C'est bon. Les trois lettres Voilà. Deuxième indice, les trois lettres sont aussi des chiffres romains. Voilà, c'est un petit indice. Ah non. Et enfin, troisième indice, en chiffres romains, ça donne le nombre de kilos que j'ai pris depuis le marathon de Londres. Oh, punaise. Alors attends, en chiffres... Ouais, mais t'as pas pris tant de kilos que ça, arrête. Après, voilà, si. Parce qu'en chiffres romains... Oh là là, c'est compliqué. Alors attends, moi je vais essayer de trouver quand même. Bon, donc je pensais à GRP, donc c'est pas GRP. Alors, on va essayer de... Ouais, on va dire que ce sera plutôt course, dans les le Alpes. Ah si, le grand raté, ouais. Je suis bête. Donc t'as... UTMB, non, ça fait plus. UTMB. Non. C'est n'est pas un chiffre romain. Moi, je dis c'est. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Ça correspond à tous les critères. Et à ceux qui ont répondu cela, j'ai dit non, j'ai pris plus de kilos. Ah bon? Oui, ce n'est pas bon. Ce n'est pas la bonne réponse. Je ne connais pas cette course. Il y a la TDR. Ah bon, c'est quoi, ça fait quoi T, R en chiffres romains et D d'ailleurs, bah, parce que je connais pas. Là, pour le coup, non. VVV. VVV, je ne connais pas non plus. Et non. Est-ce que c'est une course qui fait partie de l'UTMB? Bah ça, est-ce que tu es en train de réclamer un autre indice? Oui, je te le donne. Oui, vas-y, je réclame. Ouais, donc ça triche, quoi. Du coup, ça triche. Si je te dis oui, tu trouves direct, on est d'accord. Alors, ouais, la réponse est effectivement oui. Ça fait partie de l'UTMB. Il y a quoi dans l'UTMB? Il y a l'OCC. Mais l'O... O. Ça va pas, l'O. Ça n'est pas un chiffre romain. Attends. Non, mais en même temps, c'est pas si facile que ça. Vu que chaque année, ils créent 80 courses supplémentaires, vous êtes mal barré. Ouais, c'est ça le truc. C'est une première édition, quoi. Oui, je pense, ouais. UTMB. Ok, bah voilà. C'est la X... Ouais, donc forcément, quoi. Ah, la XWC. XWC, ouais, voilà, c'est bon, on est dedans. WC, c'est ça? Non, ça... Attends, course, alors, course... Non! Ah! Mais il est nul, leur site, en fait. Allez, course, j'y suis. UTMB, CCT, TDS, OCC, PTL, MCC, YCC. Ah, bah, la bonne réponse. C'était là-dedans, tu l'as dit à la fin. J'ai la bonne réponse! Tu as prononcé les 80 acronymes. Ça consiste en quoi, le truc? C'est 40 km dans la montagne d'une ville dont j'ai oublié le nom, qui se trouve en Suisse, vers probablement Chamonix. Voilà. Et c'est quand alors? C'est en août? C'est fin août, ouais, c'est pendant la semaine de l'UTMB, ouais. J'ai gagné quand même, je ferai remarquer, je pense que je mérite quelque chose, hein. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut... C'est pas pour dire, hein, mais... Ouais, t'as trouvé, ouais. Qu'est-ce qu'on peut t'offrir? Ah bah, écoutez, une c'est gratitude à vous de éternelle, des likes par exemple. Sur Instagram. Des likes, exactement. Ah ouais, je m'en fiche de ça, c'est nul. Sur des photos random. Ok. Bon, eh ben très bien, écoutez. Un bel été qui se profile, alors. Ouais, moi, j'ai les abdos de la plage, je fais l'inverse, tu vois. Je grossis quand il faut aller à la plage, moi. J'ai pas le temps de faire comme dans les codes, tu me connais. T'as raison, faut casser les codes, hein, Emir. Bah oui, non, les abdos, moi, c'est quand je suis en hiver, tu vois, comme ça, j'ai pas de graisse sur moi, comme ça, j'ai froid. Et en été, quand comme, il faut avoir chaud, ça, là, tu vois... Les voit. Mais sinon, va dans l'hémisphère sud, et comme ça, tu seras en hiver, là, tu vois. Hop, ouais. Et t'es ready. C'est vrai. Vous viens dans le Nord-Pas-de-Calais. Exact. Bon, vous êtes prêts, les gars, quand même, pour cet épisode? On sait pas, mais... Vous avez préparé vos chroniques, pour une fois, vous êtes là, tout à fait prêts. À fond. Bon, alors, donc, si je comprends bien, on connaît pas les sujets de nos chroniques. Ouais. Alors, on les connaît pas, là. Moi, je connais pas le mien, en tout cas. Mais là, Emir, on a réfléchi pendant des heures avec David. Oh my god. Pour te trouver le sujet parfait. Oh my god. Très bien. Donc, c'est moi qui vais dire. J'explique quand même bonito comment ça se va se passer. On va donner le sujet à Emir et il aura quelques minutes qu'on va couper au montage. Pour pouvoir réfléchir un petit peu sur quel axe il veut partir sur ce sujet-là. Et en fait, on va en faire juste une discussion. Hein. On va discuter tous les trois sur les axes qu'aura trouvé Emir sur ce sujet-là. Donc, Emir, ton sujet aujourd'hui est courir solo ou collectivement. Mm-hmm. Et là, tu as 5 minutes et c'est parti. 5 minutes on n'avait pas dit ça. Normalement, tu changes les règles. On avait dit 10. 10 minutes. Ok. Thank you. Eh bien, les bonitos, après une petite interruption de 10 minutes, enfin chez nous, pas pour vous, quoi, heureusement, nous revoilà avec donc le sujet d'Emir, courir solo ou collectivement. Alors, Emir, qu'est-ce que tu vas nous dire là-dessus? Eh bien, ça va être rigolo. Bonne question. Ouais, c'est une excellente question. Donc, nous allons meubler tout ça hein, de manière... c'est vrai que qu'écrire une chronique en 10 minutes, c'est un exercice pour le moins intéressant. Hein. Il n'y a pas de plan d'entraînement pour s'y préparer. Allez, arrête, t'as déjà fait, t'es habitué. C'est vrai que j'ai déjà fait, ouais, mais pas, peut-être pas dans ces conditions. Mais enfin, voilà, ce que j'ai choisi de faire, en fait, on va dire ce que j'ai eu le temps de faire et mon approche instinctive de la question, c'était de faire des pour et des contre de l'un et de l'autre. Et de conclure qu'en réalité, pour moi, en fait... Ce que je vais dire en intro, hein, qui sert à la fois d'intro et de conclusion. Ah, tu vas direct en avec conclusion, toi. Moi, je fais une intro conclue tout de suite. En fait, la richesse de la vie, finalement, c'est un mix des moments de course à pied solo et des courses à pied, de course à pied en groupe, en fonction de ses aspirations. On peut servir de l'un et de l'autre comme d'outils, finalement, hein, d'outils pour atteindre divers objectifs dont on va parler tout de suite dans les pour et les contre de chacune de ces deux types de pratiques. Du coup, moi, ce que je relève comme le pour du courir seul, le pour du courir seul, ouais. Le premier pour qui me vient à l'esprit, moi, c'est que tu prends ton cycle de décision de réaliser une sortie est immédiat, tu vois, c'est-à-dire que dès lors que tu décides que là tu sors, eh bien tu peux le faire, bon, moyennant bien sûr la logistique familiale pour ceux qui en ont, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de se synchroniser. C'est ça, parce que moi je dis tu sors, tu peux le faire, mais après il y a tout le monde qui va m'expliquer, ah ouais, mais quand t'as la logistique familiale, la petite quand étoile, t'as le machin, quand t'as... Hey, quand t'as 8 enfants, mec, moi je t'explique, tu peux pas sortir quand tu veux, ouais, d'accord, ok. Ouais, ouais, quand t'as 82 petits-enfants, ouais, d'accord, je sais, d'accord. Non, ce que je voulais quand dire, tu n'as pas de basket à disposition. T'es obligé d'aller à Décathlon avant, certes, ok, d'accord, ou je suis endurant quand tu as perdu les clés de chez toi. Toutes des éventualités à prévoir. Et si ton stade est un peu loin et que tu vas en voiture mais que tu n'as pas d'essence, voilà, autant de... autant... Et, tu pars et en plus courant, que tu n'as pas d'essence, c'est en plus la grève. Hein, et puis les gilets jaunes ont envahi ta stade. Ah non, c'est plus la mode. Ils envahissent plus. Ah, c'est fini. Je crois que bah, ils sont en vacances, arrête. Ah bah, il faut qu'effectivement. Tu rigoles, on est en France. Bon, arrêtez de parasiter cette non-chronique, s'il vous plaît. On t'aide à meubler, on t'aide à meubler. Non, je cherche pas à meubler. Non, je voulais arriver au point où... Vas-y. Excuse-nous. Non, bah oui, c'est un point. Le cycle de décision, en gros, est immédiat dans le sens où on n'a pas besoin de se synchroniser avec un pote qui aura la flemme la moitié du temps, par exemple. Hein. Si c'est quelqu'un de moyennement motivé, où on n'a pas besoin d'attendre l'heure de l'entraînement en groupe, s'il s'agit d'un club, ou alors l'heure de la réunion des Adidas Running Boost Paris, par exemple. Hein. On y va exactement quand on le veut. On ne dépend pas de quelque pas chose d'extérieur. Tu serais pas sponsorisé par Adidas, par hasard? Non, pas du tout. Je ne les fréquente pas, ces gens-là. Ce n'est pas ma religion. C'est bien. Non, du coup, voilà, c'est mon premier point qui me paraît le plus évident, c'est aller courir seul, c'est jouir de cette liberté de se dire j'y vais là tout de suite et d'y aller là tout de suite sans s'encombrer de tiens, il faut attendre telle autre personne, solliciter lui ou voilà, ou en inclure dans son cycle de décision davantage de variables que juste j'ai envie d'y aller. Et ça, je trouve que c'est la liberté ultime, c'est de se dire là j'y vais tout de suite et c'est pas plus lourd que ça, c'est extrêmement léger comme choix d'aller courir tout seul. Donc ça... Quand même, pour moi, c'est un argument clé dans les pour de la course solo, tu vois. Okay. Voilà, donc ça, c'est ce qui me paraît évident. Merci de me valider. Je te valide. Premier point validé. Très bien. Ensuite, il y a quelque chose aussi que je trouve très, très important, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent la course à pied comme le moment à eux, en fait. Donc le moment à eux sous-entend que c'est un moment où tu vas être avec toi-même, et c'est un moment où tu ne vas pas devoir faire du social forcé, entre guillemets, tu ne vas pas devoir tenir une conversation, tu ne vas pas devoir écouter quelqu'un, ni lui répondre, du coup. En gros, c'est un moment dans lequel tu es tranquille avec toi-même, et tu laisses ton cerveau voguer à ce qu'il veut voguer, ou alors si tu as envie d'écouter de la musique ou des podcasts d'excellente qualité tels que Jogging Bonito, personne ne peut t'en empêcher, tu vois. Et ça, je pense que beaucoup de gens utilisent le moment course à pied comme le moment où ils sont tout seuls, ils sont avec eux-mêmes, et c'est un moment qui les repose de la multitude d'interactions sociales qu'on peut avoir au quotidien, qu'elles soient sollicitées ou non. Voilà, parce que certaines interactions sociales s'imposent à nous, hein, on est d'accord. Parfois, t'as pas envie de parler avec un mec, lui, s'il a envie de te dérouler son week-end, dans lequel il a fait plein de trucs dont tu t'en fous un peu, eh ben, c'est la bienséance sociale fait que t'es quand même obligé de l'écouter, voilà, tu vois. Donc là, tu prends tes baskets, tu vas courir, et là, t'es sûr que Dédé, il n'est pas là pour te raconter son week-end. Donc c'est ton moment à toi, tu vois, t'es tranquille. Voilà, cette notion de tranquillité fait partie des pours majeurs d'aller courir en solo. Hein, la seule personne à supporter, finalement, c'est soi-même. Et ça, parfois, ça n'a pas de prix dans certains C'est moments. parfois c'est difficile, mais Ouais, c'est parfois aussi, ouais, c'est vrai. Mais C'est un autre point. c'est un autre point. Du coup, oui. Après, voilà, comme je le disais tout à l'heure, en introduction-conclusion, ceci, c'est un outil. C'est-à-dire que les moments où on va avoir besoin de se retrouver solo, on va déclencher ça. Mais à l'inverse, il y aura des moments où on va avoir besoin de se retrouver en groupe. Tu vois, pour profiter justement de ces interactions sociales qui, dans certaines autres humeurs, on va vouloir fuir. Du coup, voilà, c'est un outil en fonction de ce dont on a besoin à l'instant T. Voilà. Autre point du pour le courir solo, hein, le courir solo, c'est tout simplement pour, dans un besoin de structuration de son entraînement, pour les gens qui suivent des plans d'entraînement, hein, personne n'est parfait. Donc ces personnes-là vont avoir besoin de ne pas être parasité, hein, le mot, j'utilise volontairement ce mot, parce que c'est ce qu'ils utiliseraient, ces gens-là, hein, on les connaît, les gens qui font des plans d'entraînement. Hein, voilà. Hop, on en voit un petit peu là-dessus, c'est Exactement, bien, tu c'est vois, bien. eux se sentiraient parasités par une personne qui justement, viendrait abîmer leur séance, hein, en quelque sorte, en leur imposant un rythme qui n'est pas le leur, ou en les empêchant de suivre exactement les petits R, grands R, et allure telle qu'il le souhaite, tu vois. Donc là, pour des besoins de structure, on n'a pas encore trouvé mieux que d'être tout seul. Hein, ça, si tu veux suivre un plan d'entraînement, donc codifié tel un programme informatique, hein, ce que nous devenons quand nous suivons ces plans d'entraînement, eh bien là, il n'y a pas à se poser 36 questions, il n'y a pas plus de variables que juste j'écoute ma montre qui fait bip bip, j'accélère quand elle fait bip, et j'ai ralenti quand elle fait bip, puis j'accélère quand elle fait bip, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, pas mieux que d'être solo pour suivre ses plans d'entraînement dans un but de structure, dans un but de progression. Donc je pense que progresser en étant en groupe, ça peut arriver, ça arrive forcément. Cela dit, le moyen le plus efficace, selon la science de l'entraînement, ça reste, je pense, d'avoir une méthode. Les méthodes, hein, telles qu'on peut les trouver dans Jogging International tous les mois. Hein, Ne fais pas de la pub. Ah bah écoute, je fais de la pub pour ce magazine à vendre du plan d'entraînement identique tous les mois. Ah, Tu en vois fort là. Oh là là. Eh, c'est parce que c'est pas ça. La chronique n'a pas été censurée, c'est pour ça. Non, c'est pour ça, il n'y a pas eu l'occasion de. Pas Tu vois, encore. je suis en. Ouais, c'est ça, on n'est pas passé. Elle n'a pas passé le montage encore, cette chronique. Donc tous nos partenariats là qu'on a en cours, là, ils vont partir en Ils vont frise. Ils sauter. vont tous Ouais, sauter, ouais. là. Laisse tomber. Bref, donc oui, donc l'entraînement le plus efficace, si on estime que c'est celui d'un plan et non pas celui d'une émulation en groupe, eh bien, il faut être solo. Donc là encore, le run solo est un outil essentiel pour être le plus méthodique possible. Ensuite, encore un pour. Il y a tant de pour que ça finalement. Il y a énormément de pour Bah ouais. dans le run solo. Incroyable. J'y crois pas moi-même en relisant mes feuilles. Du coup, je pense. Là, je pense, hein, parce que je connais personne qui m'a dit, hein, mais à un moment donné, il fallait que je sois créatif et disruptif, tu vois, comme ils disent dans le Startup Language, à la fin de cette partie-là, tu vois. Je me suis dit, on va créer un truc à valeur ajoutée, tu vois, un truc au top, Oula, voilà. t'es trop bon là, vas-y. Je me suis dit, il y a des mecs, je suis sûr, dans leur. Ou des femmes, hein, pardon, excusez-moi, parité, tout ça. Ouais. Dans leur ego, tu vois. Dans leur ego, je suis sûr que. Pour une course, parlons de dossard, on a parlé beaucoup d'entraînement. Pour une course, tu vois, je pense qu'ils aiment bien être solo dans leur truc parce qu'ils se disent, voilà, je l'ai fait tout seul comme un bonhomme, tu vois, et on ne m'a pas apporté d'assistance. C'est mon accomplissement à moi, je l'ai fait. Moi, mon équipement Salomon, mes poils sur le torse, moi et moi-même, Mes balls. Ou pas, ça mes dépend. balls of steel, on a fait ça tout seul, tu vois. Et ça, tu vois, c'est aussi. Et merci pour les femmes. Qu'est-ce qui est of steel pour les femmes dans ce cas-là? Parce que je peux pas parler de poils sur le Éventuellement, mes torse. balls aussi. Et les Éventuellement les balls boobs. of steel. Les boobs of steel? Ouais, pourquoi Je sais pas. pas, pourquoi pas, après tout. Pourquoi pas, c'est vrai. Eh bien voilà, je pense que chez certaines personnes, il doit y avoir cette notion de l'accomplissement solo qui est plus marquant dans l'esprit qu'un accomplissement effectué avec assistance, par exemple, ou qu'un accomplissement poussé par un ami ou ce genre de choses. Je pense que voilà, certains valorisent le côté solo d'un accomplissement. J'ai envie de dire un truc là quand même. Hein. Je suis désolée parce que c'est qu'il est bon, Émir. Hein, parce qu'il est arrivé. Je me suis dit, vu comment il est parti, il va pas aller sur les idées qu'on avait eues avec David. Et il est arrivé à y retourner dessus. Hein. T'as vu, David? Bien, merci de me valider. Moi, Un petit peu. Sur la course Ah, solo. il fait de la Tout à nuance. fait. David est dans la nuance. David Je nuance m'étais comme dit, ça. c'est bon, j'ai quelque chose à lui rajouter là. Mais non, il y a pensé. Vas-y, Émir, continue. Ah, parce que du coup, le truc disruptif, vous l'aviez prévu. Putain, je croyais que j'étais vraiment dans le Et game. oui. Oh merde. Ok, bref. Très bien. Qu'à cela ne tienne, comme disent les gens désuets. Les gens, les vieux, tu peux le dire. Il y a aussi des contres aux runes solo. Bien sûr qu'il y a des contres. Ah. Eh ouais. Mais Ben, quels sont-ils? les contres, c'est que nous ne sommes pas tous. On n'est pas tous munis de discipline et qu'on sait tous que parfois on n'a pas envie de sortir, mais qu'on se dit, tiens, je vais sortir quand même parce que je sais qu'en revenant, ça me fera du bien, ce genre de choses. Mais du coup, parfois on laisse la flemme de prendre possession de nous. Et du coup, ben en fait, on ne sort pas parce que la flemme est plus forte hein, quand on est tout seul, évidemment. Donc, quand on a quelqu'un pour nous faire sortir, pour nous pousser un petit peu, pour nous dire, ouais, t'inquiète, ça va être bien, pour créer cette énergie, quand on n'a pas cette personne et qu'on n'a pas la discipline de sortir, eh bien, on évite une sortie, alors qu'au final, ça aurait pu être un moment intéressant de sport. Donc, le contre ici, c'est le fait de pouvoir d'écouter la flemme en quelque sorte, hein, et de ne pas avoir quelqu'un d'externe pour contrebalancer ou donner l'énergie pour y aller. Il y a aussi pour les gens qui aiment la compagnie, il y a aussi tout simplement l'ennui, hein, peut-être que c'est chiant de courir seul, et en particulier cet argument est très souvent avancé par les gens qui ne sont pas du milieu de la course à pied, hein, qui pensent toujours qu'on se fait chier comme des rats morts C'est à courir derrière rien. D'ailleurs, ils emploient vrai. souvent Mais ça. derrière Mais quoi? après quoi vous Vous courez courez, après hein? quoi? Après quoi vous courez, tu vois? Après quoi? Après le bonheur. Après le bonheur, tu vois? Tout ça parce qu'il n'y a pas de ballon, hein, encore une fois, on en parle. Il n'y a pas de ballon, donc ils pensent que c'est pointless. Mais ça n'est pas pointless, tu vois? Je leur donne pas complètement tort personnellement, mais bon. On s'est tous fait chier un jour ou l'autre sur une plage ou en haut d'une montagne, certes. Mais bon. Certes. Encore voilà, enfin, l'ennui, oui, ça peut arriver, ça peut être un des contres de la course solo, ouais, pourquoi pas, ouais. Ou les séances de préparation, parfois, qui font vraiment partie de plans pour des ultras, par exemple, ou de plans d'entraînement pour faire de la vitesse, hein. Donc, parlons de la perf vitesse et de la perf longévité. Dans les deux cas, il y a des séances que t'as pas du tout envie de faire, mais que tu fais par discipline. Sauf que comme on n'a pas tous la discipline, eh ben on a tendance à zapper des séances, ce qui dessert l'objectif final. Donc voilà, le problème du solo dans ces cas-là, c'est que on peut desservir son objectif en ne faisant pas la séance. Voilà, ce que je note dans les contres à courir tout seul. Hein, c'est tout simplement que courir tout seul, voilà, c'est on se fait chier, on n'arrive parfois pas à se motiver, hein, tout simplement. Voilà, pour le reste, je trouve que c'est plutôt bien, moi, de courir seul. J'aime bien ça. Ouais, pour les raisons qu'on a évoquées précédemment. Bon, ça étant dit. Est-ce que c'est une deuxième partie et que tu réussis à faire une chronique plus longue que d'habitude en ayant 10 minutes de Il est bon, préparation? Émir, il est trop bon. Non, c'est comme on peut se l'imaginer, hein, la première partie d'une course, hein. On a toujours de l'énergie, on met beaucoup de jus dedans, hein. Et ensuite, à la fin, on Tout s'aperçoit donné. que, ouais, tu vois, à la fin, tu t'aperçois que en C'est comme fait, un soufflet quoi, t'étais ça un tombe. peu, ouais, tu t'es un peu emballé sur le début quand même, hein, on est d'accord. Hein, J'étais sur un gros positif split quoi. c'est exactement ça. Et tu connais le problème. Aussi, ce que tu connais comme problème, c'est que, tu sais, quand t'es le premier à écrire sur une carte d'anniversaire, tu vois? Tu Oui, vois tout ou à pas? fait. Ou Tout à encore. fait. Ou encore, tu vois aussi le truc là, c'est quand t'étais sur une enveloppe, tu vois, tu commences à écrire l'adresse, mais tu vises à droite, hein, parce que souvent on vise à droite, et du coup là, tu heurtes le rebord, avant de heurter le rebord, si t'es un peu malin, tu t'aperçois que t'as écrit trop gros et que tu vas devoir faire des pattes de mouche pour rentrer dans l'enveloppe, tu vois. Tu vois là où on en est? On est parti en vrille, là, quand même. On connaît, on connaît. Bref, voilà la fin de cette chronique. Voilà. Donc, ça part en patte de mouche à la fin. Voilà. Écoute, on va en juger. On t'écoute sur cette deuxième partie. Donc. Ok. Eh bien, la deuxième partie hein, porte sans suspense sur les avantages de courir en groupe. Mais le problème et la faiblesse de ce modèle de chronique, qui constitue à dire les contre de courir seul, c'est que cela devient les pour de courir en groupe. Je m'en doute. Eh ben oui, hein, effectivement. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on s'aperçoit de ça et qu'on en est à 8 minutes sur 10? On se dit, bah écoute, fuck it, let's go. Répétons la même chose. Hein. Peut-être que les auditeurs, de toute façon, ils sont sur une séance VMA, ils feront pas gaffe. De hein. toute façon, ils se diront, bah, allez hop. Non, mais ils aiment les choses claires, quoi, tu vois. Donc, il faut leur redire. Faut rester dans le schéma, t'as raison. Ouais, ouais, très très bien. Ouais, bah voilà, donc dans le courir en groupe, hein, cette notion d'émulation, n'est-ce pas, hein, elle est là, hein, celle qui était absente dans les contres du pour courir seul. Cette notion d'émulation est présente, et une notion très connue, qui a d'ailleurs donné naissance à l'une des dérives les plus connues du rune moderne, qui s'appelle la pyrune, hein, n'est-ce pas, la pyrune, une dérive de la course en groupe, mais qui peut être vue par la plupart des personnes comme un moment d'émulation, de joie, par exemple, hein, la pyrune. Voilà. La pyrune, cette aberration. Que ça m'arrive au cerveau, je suis désolée. C'est bon, ça arrive au cerveau des auditeurs. C'est peut-être ça. Ça y est, ouais. Voilà. Bah, du coup, voilà, cette notion d'émulation. Voilà, on va pouvoir, quand on est en groupe, transformer un moment qui peut avoir l'air ennuyeux dans un moment qui est lié à des moments un peu plus joyeux, voilà. Où on va créer ça en un moment. Le moment va devenir au-delà d'un moment sportif, ça va devenir un moment social. Et donc, pour ceux qui sont en recherche de ça, dans cette partie de leur vie, dans cette journée, dans cette période de temps, eh bien, ça leur procure, en plus du sport, ça leur procure cette joie d'être en société. Voilà. Donc, il y a une certaine émulation, une certaine motivation qui peut être liée au moment de sport lui-même, mais aussi, en plus, au moment annexe, hein, c'est le cas de la pyrune dont on vient de parler, ou au moment social qui en découle. Voilà. Donc ça, c'est évidemment la première chose, le premier avantage, je crois, de la course en groupe. Après, on a la course, là, c'est de la course en groupe dite non structurée, entre guillemets. Après, évidemment, une course en groupe historique, c'est tout simplement courir en club, n'est-ce pas ? Hein, faut quand même pas passer à côté de la course en club, qui est la course en groupe, le type de course en groupe le plus évident historiquement. Donc la course par excellence, j'ai envie de dire. Pardon ? Le run en groupe par excellence. C'est ça. Voilà. Et donc l'intérêt de courir en club. Toute personne qui s'inscrit à un club s'inscrit pour exactement la même chose, strictement la même chose, parce que sans ce club, la personne ne parvient pas à tenir sa discipline. Nous sommes d'accord, c'est la raison unique. Hein. Et parfois parce que le coach, il est beau gosse, parfois. Parfois, mais bon. C'est un plus certain. Hein. Ouais, c'est ça. Non, en réalité, il y a bien plus de raisons que ça, mais c'était pas rigolo. Alors voilà, j'ai préféré caricaturer. Et là, j'explique la caricature, c'est nul à chier, ça devient n'importe quoi. Ça. Du coup, non. Ouais, cette notion de course en club, c'est tout simplement les gens vont chercher la discipline, vont chercher les conseils du coach. Donc, des avantages, pareil, indéniables. Soi-même, quand on court, hein, dites-moi que vous avez déjà réussi à regarder votre propre posture en courant seul. Bien sûr que non, vous n'avez pas réussi. Parce que vous ne pouvez pas physiquement. Alors qu'en groupe, là, eh ben là, les gars, vous avez. Moi, j'essaie. Quand je passe une voiture, j'essaie. Tu vois, j'essaie de regarder dans la voiture, mais c'est difficile. Ben, c'est pas facile de regarder dans la voiture. C'est hard. Ouais. De ne pas mettre ta vie en danger ni celle des autres, et à la fois d'analyser ta posture de manière posée, structurée, construite. Impossible. Exactement. Puis généralement, comme tu cours vite, tu n'as le temps que de te recoiffer. C'est ça. Ah, ça, c'est pour les gens qui sont, ouais. Mais moi, j'ai pas de mèche, tu vois. Donc. Putain, vous venez de me faire penser à un avantage de fou de courir seul. De courir seul et dans un endroit isolé, c'est que t'as pas besoin de te préoccuper du swag. Et voilà. Wow. Ni du déo. No swag, on s'en fiche. Ah là, vous m'avez, vous m'avez offert. Je mets pas de déo. Hein. Vous m'avez offert une piste de réflexion inestimable. Ouais, Ah incroyable punaise, celle-ci. on est reparti là. Non, non, je vais la laisser là de côté. Mais oui, On en donc on reparlera. va la transformer en Une douce inconvénient de forme. course en groupe. Si tu débarques sans swag, tu vas te retrouver la risée d'Instagram. Et si tu es la risée d'Instagram, ta vie est foutue, c'est connu. Donc, Et voilà, ouais. voilà, gros problème de la course en groupe, c'est dans les contres, alors que là on aborde les pour, mais c'est pas grave, déstructurons-nous. Hein. C'est que si tu y vas sans swag, alors tu deviendras la risée de ton groupe. Et si tu es la risée de ton groupe, c'est la fin de ta vie C'est en la fin ligne, de ta donc la vie. fin de T'es au ta bout vie de tout ta vie, court. quoi. Et voilà. Incroyable, ça peut très très mal finir, ça peut être tragique. On en revient à la chronique de l'épisode précédent, de ta chronique de l'épisode précédent. Exact. Vivons cachés, c'est ça? Vivons, c'est ça. Donc là, tout à fait. Merci Margie de Comme compléter quoi, cette tout se chronique. recoupe, bah oui. Et oui, voilà. Donc le groupe, là, il y a le problème de l'exposition, le problème des autres qui se comparent les uns aux autres, hein, qui jactent les uns sur les autres, parce qu'un groupe, une communauté, ça crée naturellement des conflits, ça crée des potins, mais ça crée des uns qui parlent sur les autres, des uns qui dislike des autres, qui unfollow les autres. Quand tu cours tout seul, tu vas te faire unfollow par qui? Par personne, tu vois. Par Donc, personne, et ouais. et voilà, hein, tu vois, les groupes, les gens, ce sont des emmerdes. De toute façon, c'est pour ça qu'on ira sur le Machu Picchu, hein, un jour ou l'autre. Et mais oui, On y revient, ermite, on l'a on y dit, revient, on y on dit revient. toujours, toujours, toujours. Mais bon, là, ce sont les inconvénients du groupe en général. Mais bon, ce n'est pas totalement hors sujet, on peut en parler. Hein. Les inconvénients d'un groupe, c'est que dans un groupe, il y a des gens, et que les gens, ça a tendance à faire chier, tout simplement. Souvent, voilà. C'est ça. C'est pas Une faux. des définitions. Effectivement. Voilà. Bon, eh bien, continuons, parce qu'il y a également un autre type de personnes qui n'a d'existence que par le groupe. Hein. Ce genre de personnes s'appellent les meneurs d'allure. Vous connaissez ces gens? Les Pacer, meneurs d'allure ont vocation à courir dans un groupe et même à être le leader de ce groupe pour permettre à des gens qui ont probablement couru solo à l'entraînement de ne pas se préoccuper hein, de gérer leur propre allure, mais plutôt de le suivre pour atteindre un objectif chronométrique le jour J. Donc ces gens-là créent un groupe qui a pour objectif de chercher une satisfaction personnelle. Voilà. Donc là, la notion de meneur d'allure, ouais, bien vu. cette notion de meneur d'allure, hein, c'est le fait de créer le fait que courir en groupe au sein d'une compétition, ça peut permettre d'éviter de regarder sa montre ou d'internaliser sa gestion de course. Ça permet d'externaliser sa gestion de course, ce qui est un autre avantage de la course en groupe. Et enfin, je vais avoir un dernier avantage de la course en groupe, c'est ce que l'on va appeler la rivalité saine, ou aussi de la rivalité malsaine, hein, d'ailleurs, parce que ça existe, hein, qui sont intrinsèques à un groupe où les gens ont des niveaux similaires, et même s'ils sont là pour s'amuser, ont peut-être derrière la tête des petites idées de compétition ou autre, hein, qui vont se traduire par le fait que ces gens ne donneront plus leur like sur Instagram à leur rival, parce que ça fait partie de la rivalité, du coup. S'il a terminé une seconde plus tôt sur le précédent Ah entraînement sans enjeu, par exemple. Et du coup, cette rivalité, hein, au-delà des petites choses un peu superficielles que j'en dis, en réalité, elle est très puissante, en fait. C'est même pas probable. Elle est très puissante dans beaucoup de cas. Dans un groupe, on peut avoir vraiment une énergie qui se dégage du fait que l'on ne veut pas se faire avoir par la personne qui a un niveau similaire, hein, la définition du rival. Et la mécanique d'ego que ça crée une énergie qui est l'une des plus puissantes qu'on puisse avoir, je pense, celle de ne pas vouloir se faire couiller par celui d'à côté. Donc ça a quand même un avantage indéniable du groupe. C'est de cette rivalité-là. Il y a dans un groupe une énergie aussi qui est incroyable, qu'on peut développer. C'est quand, dans un groupe social, qu'il soit physique ou virtuel, hein, via les mécaniques modernes sociales de l'Internet, c'est quand quelqu'un va t'expliquer, et ça n'apparaît que dans un groupe en général, que tu es incapable de faire ceci. Alors là, tu vois, ça aussi, ça a tendance chez les personnes qui ont un ego un peu développé à créer une énergie incommensurable. Voilà, dire, ah ouais? Donc je peux pas y arriver, mec. Bah, tu Ah vas ouais. voir. Ah ouais. Ah ouais, you motherfucking bitch. Ah ouais. Ah ouais, Ah nigger. ouais. Ok. Ah Eh ben, ben, tu avais tu vas raison. voir. Eh ben, tu vas voir, mec. Ouais, tu avais peut-être raison. Certains vont peut-être pleurer et puis dire, ah ouais, de toute façon, je suis une merde. Et d'autres vont dire, Ok, tu vas voir, et déployer une énergie sans commune mesure. Voilà, donc je pense qu'on a, on a abordé voilà, ces sujets Bien. de groupe, hein, les avantages de courir en groupe, c'était un peu décousu, mais voilà, on a des idées qui se dégagent. Ça va. Et bien, il me semble qu'il reste que la quatrième partie, Qui est la première partie, en fait. qui est qui est le Inversé. symétrique de la première partie. Ouais. Qui est de l'autre côté de l'axe de symétrie, hein, tout à fait, de la première partie. Mais bon, vu que c'était au début, on a eu le temps d'oublier, hein, ce qui nous arrange beaucoup. Alors, vas-y. Donc Mais quels sont les reparlons-en. contres de courir collectivement? En groupe, hein? Eh bien, vous allez voir Finalement. que je vais vous surprendre parce que j'ai d'autres trucs. J'ai des trucs qui sont pas le Ah, mais symétrique vas-y. direct. Voilà. Hein, eh bien, je vais vous le dire. Donc celui-là, il est directement symétrique. C'est que on a tendance, même si on le veut, même si on veut suivre son propre rythme, même si on veut faire son propre entraînement, quand il y a une variable supplémentaire qui est personne physique qui est avec moi, eh bien, on a la possibilité de ne pas suivre son propre rythme. Chose qui peut arriver. Ou ne pas arriver en fonction encore une fois de la discipline ou de plein d'autres variables. Mais le fait d'avoir une personne avec qui on partage un entraînement, ça a tendance à, on a parlé tout à l'heure, pouvoir parasiter. En tout cas, ça rajoute la possibilité d'être parasité si on n'est pas capable de se tenir à ce qu'on fait. Donc ça, c'était le symétrique direct, donc pas de nouvelle idée ici. C'est un peu nul, hein, pas beaucoup de valeur ajoutée sur ce point. En revanche, là où on a un point qui est nouveau, c'est que lorsque un groupe d'amis, par exemple, décide de prendre le départ d'une course type compétition avec des dossards et tout ça ensemble, et qu'ils décident, pour la beauté du geste amical, un truc futile comme ça, de courir ensemble de bout en bout sur un ultra, la pire erreur qui existe, un truc de débutant là, n'importe quoi. Ça devient méprisant, c'est n'importe quoi aussi. Qu'est-ce qu'un groupe qui décide de rester ensemble? Eh bien, c'est un groupe qui c'est la manière de créer l'entité la plus lente qui soit. Alors, pourquoi est-ce que c'est la manière de créer l'entité la plus lente qui soit? C'est parce L'inertie que de groupe. c'est l'inertie de groupe, mais aussi et surtout, en particulier quand la course est longue, en fait, le groupe avance à la vitesse du bonhomme qui avance le moins vite, et le bonhomme qui avance Eh le moins oui. vite n'est pas nécessairement toujours le même. C'est-à-dire que plus la course est longue, plus il va y avoir des... Plus y en a un qui va craquer, et C'est voilà. ça, les formes vont fluctuer. Donc quand les bonhommes et les femmes, pardon, la parité, tout ça, Ouais. auront envie de courir rapidement, et ben ils pourront pas parce que Dédé, là, il sera dans un moment de creux. Ok, ensuite Dédé va revenir de son creux. Et là, t'as Kéké qui était dans un bon moment mais qui s'est frustré pour suivre Dédé. Donc il est déjà bien frustré, bien comme il faut, mais cette fois-ci, c'est lui, du coup, qui est dans un moment de creux. Un moment de creux qui a peut-être été causé par le fait qu'il n'a pas suivi sa propre vitesse dans la phase précédente. Alors, on ne sait pas. Mais Dédé est revenu, il a envie d'aller vite. Et là, boum, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a Kéké. C'est Ginette. Hein. Et voilà. Non, C'est Micheline. Ginette, Micheline, tout cela. À un moment donné, ils vont flancher. Et quand ils vont flancher, ce sera pas au même moment que les autres. Et comme ils vont décider de rester en groupe, pour ces notions d'amitié un peu stupides, eh bien voilà, on crée une entité la plus lente qui soit. Un groupe. Un groupe, c'est une entité lente. Après, si j'arrête de prendre ma casquette de con et que j'estime qu'un groupe lent et amical, c'est une belle chose, eh bien, c'est une bonne chose, ce n'est pas un contre, c'est un pour. Voilà. Waouh. Voilà, c'est presque métaphysique tout ce bazar. C'est C'est beau parce qu'il clair. se fait les pour et les contre tout seul et du coup, on n'en a plus rien à dire Mais quoi. ça c'est l'histoire de ma vie, Margie, tu vois. Mon Tout à fait. mon cerveau passe son temps à faire des pour et des contre sur à peu près tout ce qu'il trouve. C'est aussi sûrement pour ça qu'il a décidé d'aborder le sujet de cette manière, tu vois. C'est Voilà. vrai. Validé. Moi, enfin, quand je joue au tennis, je vais d'un côté puis de l'autre, tu vois, par exemple. Tu vois. Je regarde les deux perspectives. Bref. Et donc, pour terminer, faut quand même achever les contres de la course en groupe. Pour terminer, qu'est-ce qui est nul dans une course en groupe? Eh bien, on n'a pas parlé d'une chose, et ça, je vais terminer là-dessus parce que je l'ai pratiqué, dans le fait de courir en couple. Alors là, t'as tout le monde qui croit que c'est mortel. T'as tout le monde qui va Je dire, suis pas oh, sûre. tout le monde qui va dire, ah, mais toi, t'as trop de la chance, tu peux courir en couple et tout. Moi, déjà, quand je suis obligé, quand je dois organiser juste une course, je suis obligé de convaincre ma femme pendant 8 années, et ensuite si elle me laisse y aller, et ben voilà, j'ai le droit qu'à une fois tous les 8 années, parce que faut garder les enfants et tout, et après elle m'en veut de l'avoir laissé pendant 8 années, et du coup alors que toi vous êtes d'accord, vous avez décidé ensemble, et c'est votre passion commune, donc c'est facile. Ouais, ok. Donc le jour où t'arrives, c'est facile, hein, t'arrives sur la course et tout, et que c'est une course longue et tout, alors là, tu vois, t'as toutes les mécaniques de couple, pas forcément les plus agréables, qui se mettent en place pendant la course, tu vois. Et là, du coup, bah, en fait, y a ça crée des petits conflits, comme ceux du quotidien, des petits conflits. Qui peuvent devenir des conflits de type, comment dire, scène de ménage, mais avec un dossard, tu vois, tu transposes. C'est le terrain propice aux dossiers qui sont restés sous le coude. Tout à fait, tout à fait. Ouais, mais de toute façon, ta mère... C'est ouais. Ça. Ouais, de toute façon, elle met jamais de like quand je fais mes sorties sur Instagram, alors qu'elle met des likes sur Nathalie, par exemple. Hein, cette Nathalie. Ah, et puis de toute façon, Nathalie, je te soupçonne, toi, tu lui mets trop de likes en ce moment, Nathalie. Voilà, et tu crées, oh, et tu crées ce genre de choses. Voilà. Et pour le peu que Nathalie, elle participe à la même course. Oh punaise, et là, elle vous dépasse à ce moment-là. Punaise, la pauvre, elle va s'en prendre. Ouais. Et là, si tes yeux se sont égarés sur le dossard de Nathalie, et là, c'est le drame. Là, c'est le drame. C'est ça. Et là, s'il y avait un ravin, eh ben, on ne voit plus d'Émir. C'est fini. Voilà. Non, mais... non, c'est dangereux. Ah ouais, je pensais à un comme truc quoi, super beauf là. Ah ouais, je pensais à un truc super beau aussi, pour certains en tout cas, les problématiques de matage. Ah, bah oui, mais... Monsieur ou madame qui se met à mater. Bah bien sûr, c'est ça, tout à fait. Enfin, c'était un peu l'image. Là, hein, tu crois que je t'ai pas vu regarder les fesses de machin là qui va te passer. Non, mais j'admirais la foulée, tu comprends, la technique. C'est ça. Non, parce qu'elle est très sur l'avant-pied. Non, très très sur l'avant-pied, puis tu sens le muscle, le fessier, pardon, l'ischio-jambier, hein, s'activer de la bonne manière. L'ischio-jambier. Enfin, bref. Voilà, donc la on course comprend. En groupe. J'ai l'impression qu'on peut comprendre. Ah ouais. Oh, bah oui, ouais, tout à fait. Donc c'est contre, hein, les contres de la course en groupe, eh bien voilà, c'est aussi ce genre les problématiques intrinsèques à un groupe de type couple, qui peuvent se réactiver dans une course également. Eh bien voilà, sur ce, je pense, je vais conclure par mon introduction, mais encore une fois, comme c'était Big au drop. Début, on a oublié, et donc c'est très bien, ça me permet de la réutiliser. Donc... L'avantage, quand on regarde tout ça, un petit peu tout ce qu'on vient de se dire, on voit très bien qu'il y a des moments, on n'est pas tout l'un ou tout l'autre, hein, forcément, il y a des moments où on peut avoir envie, on peut aspirer à être tout seul, parce que justement, là, on veut faire ce plan d'entraînement tout seul pour accomplir un truc tout seul, mais un autre moment de la vie, quand ce délire athlétique ou cette recherche de performance est passée, hein, qu'on a compris que faire de la vitesse, finalement, ça ne servait strictement à rien, et que courir après rien, c'était totalement stupide, là, on va vouloir aller chercher de l'apéro avec des amis, tu vois, quelque chose qui a bien plus de sens à l'échelle d'une vie. Tu la pyrène. Exactement, tu vois. Et du coup, quand on aura passé cette phase ridicule de chercher la vitesse, on aura peut-être envie de basculer dans un groupe social. Puis, qui sait, peut-être qu'à une phase future de la vie, dans ce groupe social, on trouvera un rival qui nous donnera à nouveau envie d'aller vite et on rebasculera dans cette recherche de performance qui nous amènera seul à l'entraînement. Tu vois, et donc en fait, tout ça, ce sont c'est des le outils. Cycle éternel. C'est exactement, c'est l'histoire de la vie, le cycle éternel. C'est ça. Ce qui nous amène, ce qui nous amène vers cette magnifique conclusion. Voilà. Super. Moi, j'ai une question. Ah bon? Une seule? Ouais. Ouais. Non, j'en ai plusieurs, mais une surtout, là. Est-ce que c'est mieux de courir solo ou de courir collectif quand on est schizophrène? Oh putain, et ça doit être dur de courir solo quand t'es schizophrène. Ouais, mais si t'es schizophrène, tu cours pas vraiment solo. Non, pas trop. Tu vois? Sauf si, ouais, sauf si tu t'es mis d'accord en interne pour savoir interne, si, ouais. si l'autre il te laissait vraiment... T'as fait une réunion en interne au départ. Ouais, ça se trouve, Et tu dis, les gars... Les là, gars, là, on a un calme. Plan d'entraînement, les gros, là. On peut pas se permettre ouais, de... Là, le corps, il va devoir aller sous les 40 sur 10, là-haut. Oh. Donc, tu me laisses tranquille. Donc, on se calme. Ouais. C'est moi qui y vais. Exactement. J'y vais courir et vous me laissez tranquille, quoi. C'est ça, vous venez pas perturber mon entraînement. Même problématique, hein, finalement. Ouais, tout à fait. Après, Est-ce qu'il est vraiment possible, ouais, est-ce qu'il est vraiment possible de courir seul quand on court dans des parcs parisiens? Eh, c'est une excellente question, ça. Eh ouais. Et ouais, parce que quand tu vois le Kéké Boy qui est en train de devant toi, là, t'as envie de le rattraper toujours. Et c'est vrai. Ouais. Et c'est vrai. Ouais. Et quand tu vois Nathalie qui court dans le parc, t'as envie d'aller l'aider, la pauvre. Ben et ouais, ou surtout si Nathalie te double. Ah là, ouh, et ça je connais ça. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, la mécanique de la rivalité du groupe. Et t'as le gars qui d'un coup reprend du souffle et est reparti. C'est extrêmement pertinent ce que dit David. Du coup, t'as la mécanique de rivalité du groupe qui se crée alors que tu n'as rien sollicité. Tu as voulu juste courir solo et tu t'es fait couiller par une mécanique d'ego non sollicité. Tout ça parce que tu étais dans un parc et qu'il y a d'autres gens qui ont décidé de se... Tu t'es fait hacker. Ouais. Tu t'es fait hacker. Excellent terme. Tu t'es fait hacker. C'est plus distingué que couiller quand même. Ouais. Après, une autre question plus sérieuse. Il y en a 12. Hein. Est-ce que c'est possible de courir collectif, de courir exclusivement collectif, toujours? Je pense que ouais. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression de l'observer un peu dans les courses. Les gens qui courent entre amis tout le temps, qui se donnent rendez-vous tous les dimanches pour la course du bled. Mmh. Et qui courent jamais solo, quoi, qui n'iront pas faire leur petite sortie. Ça leur plaît pas, peut-être, en fait, aussi. Non, c'est toujours c'est le rendez-vous des copains, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui font ça, c'est super cool. Bah, c'est vrai. Qui préparent pas, qui ont pas de plan, qui suivent pas un plan, etc. C'est juste... En fait, ils utilisent la course à pied juste pour... Ouais, c'est pour la fonction sociale. Ouais, c'est ça. Ouais, ça doit exister, ouais. Bien sûr, jusqu'au jour où peut-être que la force de courir en groupe, ça te donnera envie de voir ce que tu vaux tout seul. Peut-être que ce jour n'arrivera jamais. Peut-être pas. Au même titre que voilà, si tu peux par exemple picoler en groupe, ça veut pas dire que tu finiras par picoler solo, tu vois. C'est vrai. Ouais, c'est un moment social que ton cerveau ne veut le réaliser que quand il est accompagné. Mais bon, peut-être que tu te diras à un moment donné, tiens, je veux voir tout seul combien je peux encaisser, tu vois. Mais bon, peut-être que ça n'arrivera jamais aussi. Faut pas, attention, il faut mettre un disclaimer pour les bonitos. Disclaimer, ne testez pas vos performances. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ouais, c'est ça. Agissez en connaissance de cause. L'abus de course à pied est dangereux pour la santé. Exactement. Exactement. Et donc vous avez une préférence entre courir solo, courir collectif ou vous aimez varier? Quelle proportion de l'un ou de l'autre vous préférez? Ben ça dépend, ce qui me concerne beaucoup trop de la période de la vie dans laquelle je me trouve. Comme discuté durant cette chronique. Donc si je t'invite à me réécouter, hein, parce que je vois que ta question, voilà. Ça va? Oui, ça va. Non, pour être plus clair, ouais, je pense que... Enfin, moi, j'ai pas de préférence pour l'un ou pour l'autre, j'aime bien les deux. Je sais que parfois, je me retrouve dans le moment où j'aime bien sortir tout seul, faire mon truc, à ma sauce. Je sais que parfois, je vais courir, je vais avoir envie de courir, peut-être lentement, je vais sortir, finalement, je vais courir vite, tu vois. Et ça, je kiffe, je rentre, je me dis, bon, mais j'avais prévu tel truc, finalement, j'ai fait ça, parce que mon corps a été présent, machin. Chose que tu pourrais pas faire si t'étais en groupe. Donc, parfois, moi, j'aime bien cette liberté de laisser ton corps faire ce qu'il a envie de faire, sans imposer quoi que ce soit à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien. Mais cela dit, j'aime bien aussi quand je fais partie d'un groupe, le fait de se mettre à l'allure des autres et de ne pas spécialement... pas forcément s'écouter, mais mettre la priorité sur je discute avec les autres. Voilà, je crée un moment social avant tout. Donc les deux me conviennent. Je pense que c'est à utiliser... l'un et l'autre sont à utiliser en fonction des aspirations, tout simplement, en fonction de ce qui active du plaisir dans notre cerveau. Alors moi, par contre, moi je courais toujours toute seule, et c'est ce que j'aimais, hein. J'aime bien être toute seule, c'est mon moment à moi, et ouais, j'envisage comme ça la course à pied, que ce soit sur la route, sur les trails, enfin j'aimais bien toute seule. Maintenant, j'ai le Playboy qui s'est calé sur mon schedule de running, donc il vient maintenant le matin courir avec moi. Enfin, ouais, majorité des matins. Donc j'ai plus beaucoup de matins que je suis toute seule, et il faut que je m'ajuste en fait, ça fait bizarre. Notamment, ne serait-ce que... Il y a un truc que je remarque tout le temps, c'est que si je cours juste à côté de lui, je vais prendre la même cadence que lui, Et c'est une cadence qui ne me convient pas. Et c'est un truc qui c'est vraiment bizarre. Et du coup, il faut que, même si on court ensemble, je suis un peu devant parce que sinon, je ne peux pas avoir ma cadence. Mon corps, c'est comme s'il se mettait à la cadence et ça me perturbe. Et on parlait de la notion de parasite, tu vois, c'est exactement ouais. Ça. Ben oui, quand tu l'as dit, ça m'a fait penser à ça. Et donc, du coup, mais après, ben, tu vois, hier, on est allé courir ensemble. C'était pas un bon jour pour moi, c'était difficile. Et au final, ben, j'ai commencé à parler avec lui et du coup, bah, le run est passé et ça m'a permis de le finir mieux, je pense, que si j'avais été toute seule du début à la fin, quoi. Donc voilà, c'est un ajustement. J'ai tendance à se dire quand même que je préfère courir seule, mais j'ai pas l'habitude, en fait, de courir en groupe, donc ouais. Ok. Mais okay. Après, j'ai adoré, par exemple, courir le marathon de Paris avec toi et le Playboy. Bah oui, mais pour moi, c'était pas vraiment, c'était autre chose, quoi, tu vois, c'était pas la même chose, quoi. C'était une sortie... C'est une sortie insolite. Inclassable. Voilà. C'est ça. Inclassable. C'est ça. Et toi, David ? Habituellement, je cours seul toute la semaine et ça me convient plutôt bien. Je termine ce cycle hebdomadaire d'une sortie longue avec un partenaire de course, donc le dimanche matin, très tôt. Mmh. Et c'est assez cool. Récemment, si j'ai participé à une course, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à notre ami Jean-Yves du blog Birun Non Peut-être. Ah ouais. Ouais, grâce à qui j'ai participé à une course caritative, si on peut dire. Enfin non, c'était les 20 km de Bruxelles. Et il m'a donné la chance d'accompagner une personne handicapée. Donc dans, vous savez, enfin les joëlettes, etc. Voilà, c'était un fauteuil, hein. Et ouais, j'ai vachement aimé. Et c'est vrai qu'au niveau du rythme, en plus, ça demandait une certaine force. Donc ça demandait quand même une adaptation que j'avais peut-être un peu négligée. Mm-hmm. Ouais, voilà. Globalement, ouais, si j'ai trouvé que c'était dur de changer de rythme souvent comme ça, parce qu'il y a des vrais changements de rythme quand tu as le fauteuil ou quand tu l'as pas, ouais. Quand tout le monde n'a pas le même rythme en plus, quand il y a des montées, et j'ai trouvé ça vraiment vraiment difficile, quoi. C'est très intéressant par contre, très enrichissant, très convivial aussi. Et je remercie Jean-Yves, j'en profite, hein, je remercie vraiment Jean-Yves de m'avoir permis de cette expérience. Merci, c'est beau. Ah bah c'est un autre aspect de la course collective. Tout à fait, que je n'ai pas abordé du tout, et qui est pourtant quelque chose que je pratique, tu vois, étonnamment. Qui sait, on l'abordera peut-être plus tard, dans une chronique, par exemple. Ouais, peut-être. Parce que ça, je pense que ça, ouais, ça peut faire une chronique. Bon, ben Emir, on s'attendait pas vraiment à ça, mais ben encore une fois, t'as assuré, hein, je pense. David, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, là, je suis épaté. Quelle rhétorique ! T'as la pression, là ? Ah oui, non, mais la pression de dingue. T'as la pression ? Parce que ça va être à toi, là. Tu es prêt ? Je suis prêt, je pense. J'envisage. Ouais, t'es dans le bateau, là, maintenant, faut y aller, hein. Donc c'est parti. J'ai peur, en fait. Je suis presque tremblant, en fait. J'aimerais savoir quel est ce sujet qui m'attend. Bah, j'ai le droit de le refuser ? Non. Non ? Ok. Non. On pas mis les règles avant. Et si je vous donne des kudos, ce Strava, est-ce que j'ai le droit à des minutes en rab ? Non, je m'en fiche, j'ai pas Strava. Non. Est-ce que j'ai 4 heures, comme le dit le dicton ? Vous avez 4 heures ? 4 heures ? Vous avez 4 heures pour rendre votre copie. Hmm? Non, 10 minutes. Not. Comme Emir. Okay, okay. Alors, attention, ton allez, sujet... Balancé. Non, pas maintenant. Ah, pas ça maintenant. Y est, le sujet est... Qu'est-ce qu'une bonne préparation ? Oh non, c'est pas possible. Oh non. Et vous avez 10 minutes pour compléter votre défi. C'est parti. C'est quoi, parti les bonitos. Emir, on a un disclaimer à leur donner. Combien a mis David? Normalement, il avait 10 minutes. Hein. Oh, ça m'énerve, c'est mis 37 minutes. Vas-y, balance. 37 minutes. Non, c'est pas vrai. Non, c'est faux. C'est quand même faux. 23 minutes, ça fait 23 minutes qu'on a dit. Tu as 10 minutes. Ouais, oui, maintenant, mais attends, depuis tout à l'heure, je ne travaillais pas et je vous écoute parler de Jean-Claude Van Damme, de Pilates, de musculation. On parlait de choses essentielles, l'eau. L'eau qu'on n'aura plus. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Voilà. Bon, donc on parlait de ça. En plus, c'est vraiment des salauds, quoi, parce que j'ai tenu le chrono. J'ai tenu le chrono. J'ai tenu le chrono pour Emir. Je me suis dit, je vais laisser 2-3 minutes, comme ça, 2 minutes avant. Quand je lui ai dit, reste 9 minutes, ça faisait déjà 4 minutes. Et après, on a laissé 2-3 minutes de rab. Et puis là, ils arrivent, et puis une taille comme ça. T'avais combien de temps? J'ai préparé une chronique de dingue, là. Qui va remettre les points sur les i, l'aiguille au centre que du village préparé, et tout. T'as préparé une chronique de dingue, t'as mis plus de jours que quand t'écris une chronique normale. c'est pas vraiment ça, mais d'accord. Okay. Bon, on va voir ça. Donc, David, on rappelle le sujet. Qu'est-ce qu'une bonne préparation? Vas-y, rappelle, j'ai oublié, moi. T'as oublié. Qu'est-ce qu'une bonne préparation? Est-ce que tu es préparé à nous l'expliquer? Déjà, j'aurais dû faire une prépa pour ça, je pense, parce que, mais quand je dis une prépa, c'est une prépa dans le sens universitaire, hein, parce que s'il y a bien une personne qu'il faut pas interroger pour ce genre de truc, c'est moi, toi. Quoi, parce que, ouais. Alors, moi, je vais pas faire de, enfin, vous me connaissez en plus, hein, je veux dire, alors, je sais pas pourquoi vous m'avez sorti ce sujet-là, parce que justement, vous estimez que je ne suis pas un spécialiste et que vous cherchez à me mettre en difficulté et que vous cherchez à me foutre le seum devant tous les bonitos, mais ça n'arrivera pas. Non, on veut te prendre à contre-pied, c'est tout. Ça n'arrivera pas. Prenez-moi à contre-pied, il n'y a aucun souci. Voilà. J'aurais pu donc faire une chronique avec du pour et du contre comme Emir. Mais au vu de ma pratique, on est bien d'accord que ça aurait été plutôt du contre, quoi. Enfin, hein. Alors, je vais essayer de répondre à peu près sérieusement à cette question. C'est pas gagné parce que c'est déjà un exercice qui est difficile pour moi de répondre sérieusement à quelque chose. Et ouais. Et ensuite, le sujet, comme vous l'avez compris, comme je l'ai exprimé depuis tout à l'heure, c'est pas vraiment ma tasse de thé, quoi. Mais bon, c'est pas grave. On va estimer que parmi nos auditeurs, il y a des gens qui ne sont pas trop branchés préparation, trucs très organisés, et qui vont peut-être se reconnaître dans ce que je vais dire. Ou pas, enfin, j'en sais rien, en fait. Puisque je ne suis pas vraiment sûr de ce que je vais dire après. Voilà. Alors, une bonne préparation, qu'est-ce que c'est? Déjà, je pense qu'il faut se dire que ça peut être utile d'avoir un objectif. Un objectif avant ça, pour essayer de déclencher un processus de préparation. Alors, il se trouve que je peux en parler finalement un petit peu. Et ouais, parce que figurez-vous que récemment, en fait, je me suis lancé dans une prépa, quoi. Mais une vraie prépa. Hein. Et ouais, tu nous je déconne dit, pas. Quoi. Une vraie prépa. Mmh. Et ouais, une vraie prépa. Et de quoi se compose cette prépa? J'ai fait un jeûne intermittent. Sérieux? J'envisage une. Ça, c'est la faute de Rémi. En partie. C'est toujours la faute de Rémi, de toute façon. NFKB. J'envisage une cure de détox. Et ouais. Détox de quelle substance? Je suis pas encore très sûr de tout ça, mais on verra. Je veux dire, de quelle substance te désintoxiques-tu? Ah, de quelle substance? On peut parler d'une substance ou? Ah, c'est une détox, d'accord, une détox. Oui, ouais. D'accord, la détox dans le sens, tu arrêtes de manger de la dumps et tu te concentres sur manger des choses propres, d'accord. C'est pas une cure de d'accord. Non, pas de... Comme quand tu arrêtes la cocaïne, par exemple. D'accord. Alors ça en fait partie aussi. Mais voilà, je préfère rester discret. Ouais, on ne va pas étaler toute notre vie ici. Non, ouais, comment. D'ailleurs, surtout que parmi nous, il y a mon dealer. Bref. alors, j'ai parlé de jeûne intermittent, de cure de détox. Et j'ai même téléchargé sur mon téléphone portable, non pas un coach, mais une application de coaching qui s'appelle, pour lui faire un petit peu de pub, qui s'appelle Run Motion. Je dis ça parce que au départ je trouvais que c'était assez sympa comme application. Je l'ai testé pendant 2 semaines, c'est-à-dire que l'application est gratuite, on va dire, pendant 2 semaines. Au-delà de ces 2 semaines, elle devient payante, ou alors Elle reste gratuite, mais avec des fonctions réduites. Limitées, ouais. Donc, comme je suis un peu radin, bien sûr, j'ai pas dépensé d'argent là-dedans. Faut pas non plus déconner, dépenser de l'argent pour un coach. Hein, et en plus, un coach qui n'est pas vivant et qui n'a pas de chair ni d'os, c'est scandaleux. C'est encore pire. Ouais, c'est scandaleux. Voilà. Donc, alors, une bonne préparation. Vous l'avez compris, mon idée au départ, c'était de bien me retaper physiquement. En tout cas, avoir l'impression de bien me retaper physiquement, arrêter de me sentir balourd, voire ballonné, et avoir cette intuition que dans mon corps tout se passe un peu mieux et que on est ok pour aller un petit peu se chercher dans ses propres retranchements, on va dire. Donc, je suis prêt à expérimenter une prépa un peu structurée, vous l'avez compris, avec cette application. Donc pas de magazine parce que j'en consomme pas et que je suis un mec du 2.0. Cette application, j'en ai dématérialisé, externalisé, tout ce que tu veux. Donc j'ai choisi un prestataire. Et dans cette application, c'est assez simple en fait. J'ai entré mon objectif qui est un trail qui se déroule au mois de septembre, qui s'appelle le Trail Côte d'Opale, qui fait 62-64 km dans ces environs-là. C'est donc une préparation que j'ai lancée il y a quelques semaines, et c'était une prépa sur 11 semaines ou 12 semaines, je sais plus. Sachant que je ne m'inscrirai sans doute pas pour cette course. Donc voilà. Donc, ça me faisait plaisir. J'avais envie de me lancer dans une préparation pour voir un peu ce que ça fait pour de vrai. Voilà. Et donc c'était cette course... juste pour essayer l'application du coup que t'as mis ça. Ouais, non, c'est vraiment pour me lancer dans le processus préparation. Essayer de faire ça un peu sérieusement et puis voir si ça me donne envie de retourner en course officielle en vérité, parce que je dis aujourd'hui que je ne m'inscrirai pas à cette course. Mais peut-être que je me sens bien physiquement, pas le jour J, mais quelques jours un peu avant de la clôture des inscriptions, peut-être que j'irai. En tout cas, je me dis, course ou pas course, de toute façon, il y a un début, une fin. Ça, c'est bien aussi pour une préparation, avoir un début et une fin. Et cette fin, on va essayer d'y arriver et on verra à ce moment-là dans quel état je serai, état physique, état de confiance pour y participer ou non. Et donc cette préparation, qu'est-ce que fait cette application? Bah, c'est simple, hein, de toute façon, j'entre la distance, le dénivelé, le temps, enfin la date bien sûr. Et là, il y a un espèce d'algorithme, j'imagine, une espèce de démon qui fait des petits calculs et qui me dit tu devrais courir à cette allure-là, faire autant de séances, etc. On m'a proposé de choisir le nombre de séances que je souhaitais faire par semaine, ouais, c'est ça. Voilà. Donc voilà, j'ai entré bien sûr tous les jours parce que je suis un mec de l'extrême. C'est un ouf. Ouais. Voilà, je suis un ouf quoi. Non, j'ai mis 6 jours sur 7, je crois. Je me suis réservé un jour de pause au moins quoi. Donc c'était sympa les deux premières semaines en fait, tu entrais exactement le nombre de kilomètres que tu faisais, l'allure, etc. On te proposait on te suggérait une allure et une distance que tu respectais ou pas, mais en tout cas tu rentrais les données. Dans la version gratuite, tu rentres plus les données, tu dis si oui ou non t'as fait le boulot quoi. Bon après je sais pas ce que ça va donner, mais ce qui était cool c'est que j'ai l'impression qu'avec la version payante, ou en tout cas celle d'essai que j'avais, tu pouvais entrer tes séances et ça ajustait peut-être ta préparation. Donc j'en sais rien. Ce qui m'a semblé un peu bizarre, c'est que en donnant des objectifs qui sont certes modestes mais pas complètement débutants, on me propose de faire des séances d'endurance fondamentale qui sont à des rythmes que je connais pas en fait. Enfin, du genre du 8 minutes au kilomètre, et c'est pas des allures que j'ai l'habitude de suivre. Alors je me demande si le truc il va vraiment crescendo ou s'il va me garder un petit peu dans ces allures-là, j'en sais rien, parce qu'on n'a pas une visibilité sur toute la séance, toute la préparation, on a une visibilité sur la semaine en cours. Et, ouais, en gros, dans la version payée, dans la version gratuite. Eh ben ouais, il faut lâcher les euros. Eh ben ouais. Donc là, à ce niveau-là, je suis un peu dans l'inconnu, et bon, on va regarder. De toute façon, il n'y a pas d'enjeu de dingue. On verra au fur et à mesure. On aura la surprise. Donc ouais, j'avais envie un petit peu de me sentir discipliné, guidé, évalué, et à avoir confiance, et puis essayer d'avoir quelque chose, un fil conducteur pour me guider vers un objectif. Petit regret par rapport à cette application, je peux pas programmer une période de coupure, parce que ben ouais, j'ai commencé la préparation il y a pas très longtemps, puis je m'en vais en vacances, et il se trouve que j'aimerais bien me faire une petite coupure. Et ouais. Et donc, si je fais une coupure, si je fais pas les séances, est-ce que le truc, il va me recalculer des séances pour que je puisse rattraper mon retard? J'en sais rien. Je sais pas ce que je vais faire. En tout cas, c'est sûr, je pars dans un pays où là, il fera chaud. Là, t'es en stress, là. Ouais, je suis en stress, là. Est-ce que je serai prêt? Je serai pas prêt? Je ne sais pas. Non. Donc, l'application RunMotion, à pas confondre avec l'application FaceApp, comme on voit partout là en ce moment. Oui, merci David, j'attendais ce moment. Dans cette émission, on allait en parler. Voilà. Merci David, c'est fait, c'est bon. On n'a plus besoin d'y penser. Merci. Je m'en doutais. C'est bon, on est bon. On a évacué FaceApp. C'est fait ça. Moi, je serais plutôt sur si vous avez une application de, je sais pas, de fontaine de jouvence, un truc comme ça. Rajeunissement, ouais. Un peu le contraire, ouais, rajeunissement. Donc on oublie toute cette merde et on continue sur le thème de la prépa. Alors je me dis truc inévitable, enfin je veux dire, tu veux faire une bonne prépa, le minimum c'est quoi, enfin franchement, tu lis le blog, tu ouvres internet et tu lis le blog de le jogger qui râle. Parce que lui, il sait, lui, c'est l'homme de Vitruve, c'est l'homme idéal, le centre de l'univers conçu par Léonard de Vinci, quoi. C'est lui, quoi. Donc, je pense que si tu suis son blog, tu as le savoir, tu es bon et performant, beau gosse, tout ce que tu veux. Et, punaise, mais pourquoi on ne l'avait pas dit avant ? On doit garder un peu nos secrets. Je pense. Ah alors, ouais, non, mais les gars, c'est pour ça que vous êtes beaux et tout. Et moi, Mais moi, je pense qu'on ne l'avait pas dit avant parce qu'on ne voulait pas faire de concurrence au blog daddysthebeat.fr qui a été repris par des spécialistes de la préparation, comme vous pouvez sans doute le constater si vous vous connectez. Non, vous ne vous connectez pas, de toute façon. Non, ne vous connectez. qui était daddysthebeat.fr, qui est également publié par l'auteur du blog autocuiseurderie.fr également. la plume magnifique de leur auteur. Il y a une ligne éditoriale, et voilà, c'est ça. Voilà, donc voilà. Alors. Une bonne prépa, qu'est-ce qu'il nous faut aussi? Ben, moi je dirais faire appel à la plus grande conquête de l'homme. Les haltères. PPG. La PPG. Là, on revient à la PPG de Rémi. On revient toujours à Rémi, de toute façon. Punaise. Des millions d'années d'évolution pour se retrouver à faire du crossfit. allons-y, quoi. Allons-y, on aura fait une bonne prépa. Un autre truc, ne pas hésiter à croiser les entraînements. Moi, je me dis, l'entraînement croisé. Ou du moins compléter la course à pied avec du vélo, on dit de la natation. Moi, je propose du jokari, du tac-tac, du hand spinner, des toupies magiques, des bulles de savon, du canicross sans chien et ce que vous voulez. Oh, le canicross sans chien, c'est très disruptif. Hein, mais excuse-moi, mais le hand spinner, ça a été débunké, David. Excuse-moi. C'était la mode un temps, mais là, c'est débunké. Excuse-moi. Ouais, mais tu sais, je suis toujours un petit peu en décalage, moi. Le tac-tac, vous voyez le tac-tac, vous vous souvenez du tac-tac? Ah oui, tu hop, le fil avec deux boules. Avec le fil, génial. Mais ça je crois qu'on connaît, mais Emir il connaît pas, il est trop jeune. Non, mais en tout cas, je peux te dire que c'est mieux que le crossfit. Donc, essaye. C'est mieux que porter des gros cailloux. Ça, c'est la vraie vie. Et des troncs d'arbres. Ouais. Maintenant qu'on a évacué le problème de la PPG, parce que ça peut être un problème, surtout pour Emir apparemment qui n'est pas dans sa période six pack, ce qu'il nous a raconté. Tu fais une PPG à l'envers. Tu fais une PPG à l'envers. Tu sais là comment. C'est pas mal. Ça c'est disruptif. C'est disruptif. Très bien. Essentiel. Un truc essentiel, j'en ai pas parlé, j'en parle très peu généralement, c'est prendre conseil auprès d'un professionnel, de gens expérimentés ou des gens qui peuvent vous inspirer. Exactement. Hamza Bendilou. Ah, mais oui, je l'attendais. Eh ouais. Oui. La magie du running. Bah, il est arrivé. Pourquoi pas faire appel à des personnes qui peuvent vous fournir en produits. C'était sur une discussion après la belle émission. Qu'on fait épisode, ouais, là-dessus. Non. Ouais, non, bon, voilà. Non, puis on va pas donner tous nos secrets au Bonito, quand même. Attends. Non. Enfin, sauf s'il paye, hein, mais bon. Ah bah, Tipeee, hein. Ouais, c'est ça. C'est Tipeee, comme d'habitude, on y revient toujours. Hein, filez-nous de la caillasse. Donc, bonne prépa, allez faire un petit tour dans les magasins, généralement là-dedans on chope plutôt des tendinites, et surtout en période de solde, choisir des bons petits équipements, des bonnes baskets, des belles baskets, un joli sac s'il y a besoin d'un joli sac, du PQ technique, pourquoi pas, je sais pas si ça existe, mais pourquoi pas, ça pourrait être sympa, et voilà. Ah ouais. Ça te plaît, ça, le PQ technique? Important, hein, anti-irritation du derrière. Attends, t'imagines, sur 100 et quelques kilomètres, quand t'as un sous-sail. Bah, c'est ça. C'est comme une ampoule au pied, c'est pareil. Alors, je préfère l'ampoule au pied, hein, personnellement. Mais bon, ok. Pas de soucis. Donc, voilà, qu'est-ce que je pouvais dire de plus? Mais on peut dire aussi... Mais tu n'as pas parlé d'un truc, hein. Vas-y. J'en sais rien, mais j'ai un dernier truc. Hey, je ne pouvais pas penser à tout. Hein. J'ai eu que 10 minutes et on m'en a laissé que 9. S'il te manque quelque chose, je pense qu'il peut te manquer une chose, c'est éventuellement de la motivation. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Tu traînes sur le web. Tu n'y avais pas pensé, mais ce n'est pas grave. Moi, j'y pense pour toi. Et alors, merci. Je te propose de te connecter sur Internet et puis de lire des phrases du type « Dis-toi que ce sera toujours mieux que celui qui reste dans son canapé. » Oh, magnifique. Ça, c'est génial. Yes. Et ouais. Ou « Certains te disent que tu en fais trop car eux-mêmes sont incapables d'en faire un peu. » J'adore celle-là aussi. Magnifique. Voilà. Vous allez sans doute avoir d'autres idées. Moi, c'est tout ce qui m'est venu comme ça à l'esprit parce que, encore une fois, c'est pas trop mon rayon. Et puis, si vous avez besoin d'une conclusion, moi, je ferai une conclusion à la Arnold et Willy, à la Émir. Il faut de tout pour faire un monde. Voilà. Oh, waouh! Ah, j'adore cette conclusion. Bravo. Bah, tu vois? Magnifique. Soulagé. Tu y arrives. Dites-moi à quoi vous avez pensé alors. Qu'est-ce qui manque? Parce que moi, je veux tout savoir, quoi. Je veux être au point. Bah, non, tu as pensé. La préparation mentale, je pensais que tu allais nous en parler un peu plus que ça. Ah, la préparation mentale, ouais. Ouais. Mais c'est ça, sa motivation et tout ça. Ah, tu voulais que je fasse un peu des trucs, propose des trucs à base de pleine conscience. Visualisation, pleine conscience. Visualisation. Ça, comme tu nous avais déjà fait une. Je pensais que tu y penserais à nous le dire dans la. Ouais, mais tu vois, je préfère me renouveler, tu vois, c'est. Non, mais t'as raison, c'est bien. Voilà, donc j'espère que nos bonitos. Là, c'est une version un peu raccourcie, mais il y a une version un peu. Développée. Plus exhaustive. Qu'on proposera dans le Discord de l'émission, une formule payante. Bien sûr, attends, faut pas non plus rigoler. De manière à pouvoir me financer, de façon à m'aider à financer l'application Run Motion. Bah ouais, parce que comment tu vas faire après, quand tes 2 semaines vont être terminées? Bah ouais, c'est ça quoi. Et voilà. Enfin là, j'ai dépassé les 2 semaines. Donc je suis déjà en version non payante. Non payante avec la version radine. Non, même pas de pub. C'est genre le truc, normalement t'as un coach, là c'est j'ai fait ma séance, voilà. Et puis après t'as un calendrier et c'est tout. Mais on et là, te dit quand même... ce que tu dois faire. Ouais, bon, ça va alors. Mais j'ai découvert des trucs cool, hein. J'ai découvert des séances de côte. Non, mais je rigole, j'ai déjà fait tout ça, mais c'est... ça, c'est fun. Pour une fois, j'essaye de me tenir un peu... Tu vois, t'as externalisé ta préparation. Exactement. Ah ouais, je te jure. Par l'utilisation d'un coach virtuel. Voilà. D'un coach virtuel qui, j'espère, respecte et en conformité avec le RGPD. Bah oui. C'est vrai qu'il soit hébergé en France dans un cloud souverain. Ouais, on peut en parler de ça, mais bon. Bon, et un autre point dont tu nous as pas parlé. Dis-moi. Et la préparation, la planification de la course. Regarder la course, le dénivelé, les aid stations. Oh là là, il reste tant de choses à apprendre. Eh ouais, gars. ouais, essayer de... Oui, c'est vrai aussi. Que ça fait partie de la préparation. Bah, ça, tu vois, encore une chose que j'ai pas l'habitude de faire. Hein, tu vois, c'est... Pense à Emir et à l'UTMB. Les barrières. Les barrières horaires. Tu vois, s'il avait été préparé. On en revient toujours au même. Non, mais à mon niveau, de toute façon, savoir... l'important, c'est de savoir si ça monte ou pas. Et puis, c'est déjà bien. Voilà. C'est ça. Eh bien. Emir, qu'est-ce que tu en penses ? Ça te donne envie d'utiliser le... Ma préparation. L'application, non, moi en fait, dès que le machin c'est pas un humain, tu vois, je commence à voir les ficelles au bout de deux utilisations et ça commence à me saouler. Donc non, ce genre de truc là, ça me fatigue la tête. Mais après, si le machin, je peux lire un plan d'entraînement sur un site web ou sur Excel ou ça peut m'être dicté par un robot, pour moi ça revient au même. Hein, ça n'a pas de valeur ajoutée particulière pour moi. Mais moins de boulot qu'un tableur Excel. Ouais, peut-être. Ouais, moi là où je me suis dit qu'il y avait un truc à explorer et que en fait, j'ai trouvé dans ta chronique, en quelque sorte, une sorte de petite liste des trucs qui peuvent être cool à faire ou qui peuvent être bien à faire pour faire une bonne prépa. Et moi, je me serais dit, on aurait pu se dire, peut-être que faire, comme tu l'as dit dès le début, hein, faire une bonne prépa, ça dépend de son objectif. Et après, ça aurait pu être pas des tips pour bien se préparer physiquement, mais plutôt des tips pour apprécier sa course à son niveau, tu vois, en quelque sorte. Et faire une bonne prépa, ça pourrait être ça pourrait être, par exemple, ne rien branler du tout, hein, si c'est en accord avec l'objectif. Pourquoi pas, hein, moi, je vois... Si ça permet de relâcher la pression. Voilà, tout à fait, exactement. Ou peut-être que c'est écouter... Exactement, peut-être que c'est écouter un album de Stromae pour se préparer au jour où tu vas faire la course avec Emir qui aura en boucle le Ibiza et Mix. RP à la clé. Et RP à la clé, hein, pour le jour J, comme ça tu seras préparé mentalement pour affronter ça. C'est la stratégie de la fuite, quoi, en fait. Plus vite c'est fini, mieux c'est, quoi. Non, mais tout ça pour dire, ouais, je pense que... la bonne prépa, tu vois, c'est comme le bon chasseur. la bonne prépa, non, c'est une prépa qui n'est pas pour moi nécessairement méthodique dans le sport. Alors, voilà. Et je pense qu'il y avait, j'aurais bien vu un truc à aller chercher de ce côté-là aussi, mais après, voilà, on aurait été. Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça dans ma chronique quand même, oui, quoi, dans ma chronique. Il y en a quand même c'est derrière ça, c'est effectivement, voilà, ta patte dans cette chronique, hein, c'est effectivement David qui a écrit ça. Hein, ça j'avoue, je pense qu'il y a un peu de balèque quand même, quoi. Ouais, tout à fait. Non, il y a la patte du David, ça, c'est, il y a le stamp estampillé David, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup pour ces réflexions. Ça va m'aider à progresser et je vais intégrer ça dans ma préparation, d'ailleurs. Faire appel tu à vas la rajouter. Ouais. Ouais. Je pense, voilà. Rajouter des petits éléments, un peu hors sujet, comme ça, tu vois, genre manger des cacahuètes, tu vois, par exemple, ça fait du bien. Ouais. Insulter des gens. Un peu, tout à fait. Insulter des gens, extérioriser. Faire des gestes, énergie, faire des gestes obscènes. Seul dans sa chambre, tu vois, faire des gestes obscènes. Ça part en cacahuète, là, justement. Ouais, c'est un peu. J'aime bien, là. J'aime bien la tournure des choses. Ouais, mais moi, ouais, ça me convient aussi, quoi. Bon, pas sur ce, on va laisser les bonisseux se préparer comme ils ont envie, non, je pense. Ouais, je crois. Ouais, c'est la conclusion de cette chronique. Se préparer pour leur apérune, ouais. Bah ouais. Bah oui, le lever de coude, ça ne s'improvise pas comme discipline. Ça ne s'improvise... Exactement. Bah oui, quand même. Bah, les tendinites au coude, au deltoïde. Ah, le tac-tac. Ouais, c'est vrai. Oui, le tac-tac. Bon, bah du coup, on a donné des tips au Bonito pour se préparer pour l'apéro. Et on va les laisser, les temps de se quitter. Hein. Ouais. Lors d'un petit moment d'ennui, étalez sous votre parasol, les Bonito. N'hésitez pas, attrapez votre téléphone, connectez-vous sur iTunes... et envoyez-nous 5 petites étoiles. Ah, on a eu des chouettes commentaires d'ailleurs ces derniers temps, c'est cool. Ça faisait trop plaisir, franchement, on les a refait. Grave, quelle énergie, c'est une belle énergie qu'on a reçue sur iTunes au travers des petites étoiles virtuelles, là, comme ça. Yes. Donc merci les bonitos, continuez à nous en envoyer, ça nous fait toujours plaisir. Bon, on se retrouve bientôt, plein de motivation, pour la belle motivation de la rentrée. Et en attendant, on vous souhaite de profiter de votre été. Bah oui, il faut. On se dit à la rentrée alors ? Au plus vite possible. Au plus vite possible, j'aime bien ça, voilà. On verra. Voilà, on verra le mois d'août, tu vois. On verra, c'est ça la préparation. Exactement, le mois d'août, tu sais pas si tu vas être là, tu sais pas si tu vas pas être là. Déjà, cet épisode, quand même, hein, on l'a pas dit, mais il a été magnifiquement initié, quand même. Ah, l'initiative de cet épisode, c'était de toute beauté. En plus, tu nous as challengé, tu vois, hein, comme ils disent dans le Startup Nation. Tu nous as challengé. Je pense qu'on a dû réfléchir à cette émission il y a 2 jours. Se dire qu'on la ferait dans 2 jours et on l'a préparé. Ouais, et on l'a préparé en 2 minutes avant, 20 minutes avant l'émission. Non, c'est pas vrai non plus, faut pas. Non, c'est pas complètement vrai, c'est vrai. On avait discuté. Non, mais j'avoue que ce matin, quand j'ai commencé à en reparler, je me suis dit putain, on est quand même particulièrement bien à l'arrache quand même. C'était beau. Ça m'a procuré de la joie. À l'arrache, c'est. Ouais, non, c'est clair. On voulait être plus cool sur cette émission pour pouvoir se retrouver tranquillement. C'est ce qu'on a fait. J'espère que ça aura plu au bonito aussi. Moi, ça m'a plu. C'est léger, c'est agréable. C'est léger. Mmh. Allégé. Bon, bah écoutez, sur ce. Eh bien, à bientôt tout le monde. À plus. À plus, ciao. Bye bye.